La Division d'Emmanuel Suarez. Réalisation Sophie Haute-Picon. Troisième épisode. Claire Pralin, ma mère, souvenez-vous bien, est partie en Allemagne sur les traces de Bertrand de Mongeau, un ancien membre supposé de la division Charlemagne. Et elle a retrouvé une femme qui l'aurait connue pendant la bataille de Poméranie. Mais dans les salons feutrés de la capitale française, un honorable sénateur de la majorité n'entend pas la laisser mener à bien ses recherches. Un charmant Français est habilement placé sur son chemin. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous ne jugiez pas ma mère trop vite. Elle n'est à ce moment de sa vie pas plus apte à tisser une relation durable qu'à supporter la solitude. Et comment aurait-elle pu résister à l'homme qui l'a conduit dans sa chambre dans la mesure où il a été formé et payé pour le faire ? Suivons-la plutôt avec bienveillance, s'il vous plaît, le lendemain matin jusqu'à la gare de Berlin, puis à celle de Stettin, à l'embouchure de l'Oder, où elle s'apprête à rencontrer Lotte Brulot, le seul lien connu avec Bertrand de Mongeau. Je peux enregistrer ? Oui, bien sûr. On a ouvert l'association sous Jaruzelski. Le régime faisait mine d'encourager les initiatives polonaises autour de la mémoire. Tant qu'on ne touchait pas à certains mythes. Les grandes armées soviétiques qui font libération. On recueillait les témoignages de femmes discrètement, en faisant attention aux oreilles des voisins. Mais depuis Valaisan, on a pu faire connaître notre démarche dans la région et beaucoup de femmes nous ont contactées. C'est un travail très long. La parole est difficile à libérer sur ce sujet. C'est pareil en Allemagne. Pire peut-être. Donc vous relevez tous les viols subis en 44-45, c'est ça ? Nie, nie. To ciągnęło się jeszcze później. Non, non, ça a continué bien plus tard. Ça a continué plusieurs années encore, tant que l'armée polonaise n'a pas définitivement remplacé les unités soviétiques. Jusqu'en 1947 au moins. Il faut savoir qu'ici, on a vu passer les troupes de la Wehrmacht dans un sens, puis dans l'autre, et ensuite les alliés, et puis l'armée rouge. Dla Niemców byłyśmy Polkami. Dla Rosjan, Niemkami. Ciągle nie tak. Pour les Allemands, on était des Polonaises, pour les Russes, des Allemandes. Toujours du mauvais côté. Vous avez un nom allemand, Madame Brulot. Vous parlez encore ? Czy mówisz jeszcze po niemiecku ? Non. Już wszystko zapomniałam. Non, elle a tout oublié. La Poméranie est une région très spéciale, Madame Pralin. Toujours disputée entre les germaniques et les slaves. Beaucoup de familles ici sont d'origine allemande, comme celle de Lotte. Mais avec le rideau de fer, il a fallu devenir complètement polonais ou traverser la frontière. Je vouloir plus être allemande. Plus jamais. C'est effroyable. Tous ces noms. Olga Vaclav, 15 ans. Eva, 13 ans. C'est pas vrai. Vous n'avez sous les yeux que les listes que nous avons pu établir avec les témoignages et en accédant au procès militaire. On est très loin de la réalité. Vous estimez à combien ? Dans certaines zones rurales de la Poméranie, je dirais 60 à 70% des femmes. 60% des femmes ont été violées ? Dla armii niemieckiej to było jak praktyka wojskowa, rodzaj strategii. Pour l'armée allemande, c'était comme une pratique militaire, une part de la stratégie. Poprzez kobiety napiętnowano mężczyzn, którzy nie byli w stanie ich obronić. À travers les femmes, on touche les hommes qui sont incapables de le protéger. No i chodziło o wymazanie nieczystej rasy, rozsiewając aryjskie geny. Et puis on efface la race impure en répandant les gènes aryens. Et il n'y avait pas une idée de butin de guerre ? Czy to nie była grabież wojenna ? Tak, tak, to była czerwona armia. Absolutna brutalność. Ça, c'était l'armée rouge, la brutalité absolue. Ici, on réfléchit beaucoup sur la notion de viol de guerre. Le concept vient d'être reconnu juridiquement par l'ONU après le conflit en Yougoslavie. Oui. C'est déjà quelque chose, mais il faut faire attention. Viol de guerre, c'est d'abord viol. Ce n'est pas parce que les violeurs ont un uniforme que leurs victimes n'en sont pas. Vous n'auriez pas une aspirine ? Quelque chose ? Je me sens pas très bien. Prends sucre. Ça va ? Ça va ? Tu veux que je te parle à toi de Bertrand, vrai ? Vous vous sentez mieux ? Ça va, merci. J'ai un peu trop bu hier soir. Je veux bien que vous me parliez des Français, oui. C'était à l'hiver 1945, c'est ça? Tak. Oni przyszli w lutym. Oui, ils sont arrivés en février. Kilkanaście pociągów przez dwa lub trzy dni. Plusieurs trains pendant deux ou trois jours. I nagle ci żołnierze w mundurach nazi, mówiący po francusku na ulicach miasta. Et soudain, tous ces soldats en uniforme nazi qui parlaient français dans les rues du village. Dziwne. C'était bizarre. Ci byli inni niż tamci. Ils étaient différents des autres. Przez kilka pierwszych dni nawet ich polubiliśmy. Pendant quelques jours, on les a bien aimés. I potem przyszła wiadomość, że armia sowiecka przeszła most Baranowa i szybko się zbliżała. Et puis la nouvelle est arrivée que l'armée soviétique avait franchi le pont du Baranów et qu'il s'approchait à toute allure. I Francuzi stali się żołnierzami. Les Français sont devenus des soldats. A my? Linią frontu. Et nous, on est devenus la ligne de front. Mieszkałam w małym gospodarstwie między miasteczkiem a lasem. J'habitais dans une petite ferme entre le village et la forêt. Było nas sześć kobiet żyjących i pracujących razem. On était six femmes à y vivre et à travailler. Mężczyzn zabrano siłą do Wehrmachtu. Les hommes étaient tous partis de force avec la Wehrmacht. Albo byli zabici, albo gdzieś w niewoli. Ils étaient morts ou prisonniers quelque part. Francuzi w czasie ćwiczeń zaczęli przychodzić do nas na gospodarstwo. Les Français ont commencé à venir à la ferme pendant leurs exercices. Najpierw było ich trzech lub czterech, a potem przychodziło ich dziesięciu. Ils étaient trois ou quatre la première fois et puis venaient à dix. Mówili po francusku i trochę po niemiecku. Ils parlaient français et un peu allemand. Myślę, że byli też oficerowie niemieccy. Je crois qu'ils avaient des officiers germaniques. Jeden z nich powiedział, że mamy szansę, że ich poznałyśmy. Il y en a un qui nous a dit qu'on avait de la chance de les avoir rencontrés. Że Francuzi są najlepszymi amantami na świecie. Que les Français étaient les meilleurs amants du monde. Że należy się im podziękowanie, ponieważ teraz, gdybyśmy wpadły w ręce Rosjan. Qu'il fallait les remercier parce que maintenant, si on tombait dans les mains de Russes, będziemy już obeznane, jak robić, by nas mniej bolało. On saurait s'y prendre et on aurait moins mal. C'est pas vrai. Za trzecim razem, gdy przyszli, la troisième fois qu'ils sont venus, przysłano jakiegoś nowego do mojego pokoju. Un nouveau a été envoyé dans ma chambre. Nie był ładny. Il n'était pas beau. Nie mówił po niemiecku. Il ne parlait pas allemand. Nie dotknął mnie. Il ne m'a pas touché. Tylko patrzył na mnie, jakby nie widział nigdy twarzy kobiety. Il se contentait de me regarder comme s'il n'avait jamais vu de visage avant le mien. Nie mogłam złapać oddechu. Je n'arrivais plus à respirer. Jak wychodził, zapytałam go, jak ma na imię. Quand il est parti, je lui ai demandé son nom. Bertrand, powiedział. Bertrand, il m'a dit. I zapytał o moje. Et il m'a demandé le mien. Et il est revenu? Czy on powrócił? Za każdym razem, gdy Francuzi przychodzili do gospodarstwa, Bertrand pozostawał w moim pokoju, aż inni odeszli. Chaque fois que les Français venaient à la ferme, Bertrand restait dans ma chambre jusqu'à ce que les autres sont partis. Tylko jeden raz nie przyszedł i zastąpił go jego przyjaciel. Juste une fois, il n'est pas venu et c'est son ami qui l'a remplacé. Philippe de Marsanche. Nazajutrz Bertrand był zrozpaczony na myśl, że jego przyjaciel mógł mnie forsować. Le lendemain, Bertrand était désespéré à l'idée que son ami ait pu me faire violence. Był do niego bardzo przywiązany. Bardzo go kochał. I chyba mnie też. Il semblait l'aimer comme un fou et je crois qu'il m'aimait aussi. Więc kłamałam. Alors je mentis. Nic nie powiedziałam o Filipie. Je n'ai rien dit pour Philippe. Dla mnie to nie miało znaczenia, ale dla niego. Ça ne changeait rien pour moi, mais pour lui. Vous avez protégé Philippe pour ne pas blesser Bertrand. Więc broniłaś Filipa, żeby nie zranić Bertrand. Vous pensez que j'être folle? Myślisz, że zwariowałam? C'est pour vous. Merci. Mmh. Des lettres de Demongeau. Après la guerre. 1948, 1951, 54. Bertrand vous a écrit pendant toutes ces années? Oui, lui écrit français. Mère Anya à traduire. Ma mère est professeure de français à Stettin. Elle était la voisine de l'autre quand elle s'est installée en ville. C'est incroyable, merci. Merci beaucoup, Madame Rulot. Vous lui répondiez parfois? Nie zostawił mi nigdy swojego adresu. I nie ma jamais laissé d'adresse. Wiedziałam, gdzie był. Ze znaczków pocztowych. Je suivais son chemin grâce au cachet postal. Kontynuował na wschód, wzdłuż Bałtyku. Il a continué vers l'est en longeant la Baltique. Ostatni list był z Litwy. La dernière lettre vient de Lituanie. To było 25 lat temu. C'était il y a 25 ans. Ah, il est donc possible qu'il soit... Bertrand, pas mort. Je sais. Vous êtes la deuxième femme à me le dire. Alors je vais vous croire. C'est qui sur cette photo? Des hommes de la division Charlemagne? Kto jest na tym zdjęciu? To mężczyźni z dywizji Charlemagne? To jest zdjęcie, które mi przysłał w pierwszym liście. C'est une photo qu'il m'a envoyée avec sa première lettre. Nie wiem, to są ci dwaj. Je ne reconnais pas les deux autres. Ale na prawo od niego to Filip. Mais sur sa droite, c'est Philippe. Ten był bardzo przystojny. Oui, il était très beau. Przystojny, ale zły. Bo, mais mauvais. Bo, mais mauvais. Sa tête me rappelle vaguement quelqu'un. Ma mère a toujours aimé les trains en général, et les trains de nuit en particulier. Elle aurait pu, je crois, installer son appartement dans un train de nuit et y vivre à l'année. Elle avait donc logiquement sauté dans le premier tortillard reliant Gdansk à Vilnius le long de la mer Baltique. Le claquement régulier des traverses, l'odeur des bois mêlée au faux cuir des sièges et les projecteurs illuminant les cheminées des mines de charbon, tout ça la mettait dans un état de bonheur absolu. En plus, elle avait un trésor sous les yeux. Les lettres de Bertrand. On a marché dans le brouillard pendant des heures. À regarder nos pieds pour ne pas glisser sur les plaques de glace. À se repérer à la respiration des gars pour ne pas s'écarter du groupe. Et puis, le brouillard s'est levé. D'un coup. Devant nous, les soviétiques attendaient. Ils avaient aligné leur rangée de chars et on était complètement à découvert. Comme des cons. Avec nos armes de poing. On a couru. Avec Philippe. On s'est attrapé la main et on a couru. Au milieu des balles et des mortiers, on sautait par-dessus les corps. Ils tombaient tous. Nous, on courait. On est resté planqué dans cette cave pendant 2 jours. Et pendant 2 jours, on a vu passer les soldats russes devant la petite ouverture qu'on avait creusée pour respirer. 2 jours de défilé. Les blindés, les chevaux, les fantassins. Ils étaient pas beaux à voir. La même gueule que nous. Le même vide dans les yeux. Je l'ai dit à Philippe, mais il m'a rappelé que s'il gagnait cette guerre... Je l'ai dit à Philippe... Et qu'il prenait la France. Mais il m'a rappelé que s'il gagnait cette guerre... Ils n'auraient rien à faire qu'on se ressemble avant de nous aligner contre un mur. Ils en auraient rien à faire qu'on se ressemble avant de nous aligner contre un mur. Il a raison, Philippe. On s'est fait une promesse avec Philippe. Si l'un d'entre nous doit mourir pour que l'autre s'en sorte... Il le fera. Moi, je le ferai. Moi, je le ferai. Ils nous ont regroupés en 3 compagnies. C'est tout ce qui reste. Krukenberg est toujours là. Les chefs ne meurent jamais pendant les batailles. On va à Berlin. Défendre le Führer. Les soviets écrasent tout sur leur passage. Les Américains balancent des tonnes de bombes sur le pays. Et nous, on va à Berlin. On va mourir à Berlin. Oui ? Police control. Wait a minute, please. because of me, stop, leave me, I am French. I am a French scientist, I am very famous in my country. Vous descendez ici, vous rentrez en France, dans le pays où vous êtes très fameuse. Allez, mais comment? Mais bagage, comment? Mon sac, laissez-moi, laissez-moi, au secours. Laissez-la tranquille, lâchez la bombe d'ordure. De quoi je me sens? Ça va, vous allez bien? Mais vous êtes qui, vous? Je m'appelle Jules, je suis ici pour vous protéger. Mais faut pas qu'on reste là. Ils vont revenir, c'est sûr, ils sont partis chercher du renfort. Vous allez prendre vos affaires et puis on ira. Purée, mais c'est quoi tout ce sang? Claire, Claire, restez avec moi. Madame Claire, pourquoi elle saigne? Mais c'est quoi tout ce sang? Et nous, on va à Berlin. On va mourir à Berlin. Bonjour, vous. Alors, on a décidé de se réveiller? Je suis où? À l'hôpital Necker, à Paris. Vous ne vous souvenez pas? L'hélicoptère, tout ça? Non. Amnésie traumatique. C'est pas grave du tout. Ça reviendra par morceaux. Ou pas. Je ne suis pas neurologue, mais à mon avis, c'est comme un réflexe de protection du cerveau. C'était pourri, on efface le film. Comme dans la série X-Files. Vous connaissez. C'est dommage d'avoir oublié la balade en hélico. Mais le reste... J'ai eu un accident en Pologne. On va dire ça. J'en sais pas beaucoup plus que vous. Vous demanderez à votre ami, celui qui vient 3 fois par jour, avec sa petite tête de lémurien. Marc. Oui, voilà. Vous l'avez reconnu tout de suite. Je suis super forte pour trouver à quel animal ressemblent les gens. L'essentiel, c'est que vous allez très bien, et le bébé aussi. Vous avez dit le bébé? Oups. Vous ne saviez pas. Ça explique tout. Ça explique quoi? Ben, les voyages, les trains, l'alcool. Si vous aviez été au courant, vous... Qu'est-ce que vous en savez? Bon. Je vais reprendre de la manière la plus objective possible... Comme j'ai appris en stage d'interaction avec les patients, je vous laisse la place pour réagir et exprimer votre ressenti. Voilà, merci, c'est très gentil. Vous avez été bousculé dans un train, ce qui a déclenché une petite hémorragie. Mais c'est la contusion cérébrale qui vous a mis dans les choux, et vous avez été sédaté quelques jours jusqu'à ce que tout se soit bien stabilisé. L'échographie a confirmé que l'enfant se développe parfaitement et qu'il n'a pas souffert du décollement. C'est assez bénin une fois qu'on a dépassé le 4e mois. Le 4e mois de... Vous êtes à 17 semaines d'aménorrhée. Je vais vous laisser vous reposer. Vous voulez un verre d'eau? Vous pourriez pas me préparer un gin tonic? Je savais que vous étiez drôle. Un gin tonic. Oui. Oh Claire, au nom du petit Jésus, vous nous êtes revenus. Thérèse? Mais comment vous avez su que j'étais ici? On est comme les arbres dans le Morvan, on est connectés par des petits réseaux chimiques. Comment ça va, mon petit chat? Je viens de me réveiller. Apparemment, le corps va bien. Mm-hmm. Pour le reste, va me falloir un peu de temps avant de vous répondre. Normal. Le petit est en pleine forme. Oui, bien sûr, un peu de temps. Message reçu. Bon, ben, je vous laisse faire le point sur tout ça. Mais quand vous serez prête, il faudrait qu'on se parle de Bertrand. Il paraît que vous avez fait des belles découvertes chez les Bosch. Vos réseaux chimiques, j'imagine? C'est ça. J'ai des sujets d'inquiétude, je ne vais pas vous le cacher. Et puis, il faut que vous me disiez ce que vous allez faire maintenant, parce que ça change la donne, tout ça. Je vous laisse du temps, mais pas trop non plus, parce que j'ai comme un pressentiment qu'il y a urgence. Vous voulez peut-être vous reposer, là? J'aimerais bien, oui. On reste en contact, hein? Comme ils disent dans les feuilletons. Faites bien votre nid, mon petit chat. Je suis pas votre petit chat, Thérèse. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Yeah. Cette nuit-là, ma mère pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis son enfance. Pleurait-elle l'abandon de ses recherches après tant d'années de travail ? Était-ce le contre-coup de l'agression à laquelle elle venait d'échapper ? Ou alors tout simplement le choc de devenir mère ? Ma mère ? Qui sait ? Mais le lendemain, comme après une grosse pluie d'orage qui aurait nettoyé le ciel de toutes les poussières en suspension, une paix singulière mettait tranquillement de l'ordre dans son chaos. En tout cas, ça me rassure de te voir comme ça. T'es vraiment très belle. Bon, j'ai tout récupéré dans ton sac et j'ai classé les documents. Certaines lettres sont véritablement adressées à Lotte, d'autres sont plutôt des récits de Bertrand qu'il lui a ensuite envoyés. Comme pour qu'elle les archive. Ah bon ? Ouais, et t'as lu les passages sur la bataille de Berlin ? Oui, un ou deux dans le train. La nuit ou... C'est très puissant. On peut pas réellement appréhender la violence de ces dernières semaines de guerre. Personne n'aura été épargné. Mais ce que l'histoire en retient, c'est la libération, la joie, le soulagement. Je sais pas si c'est de la résilience ou de l'amnésie. Bienvenue dans le monde de mes obsessions. Tu sais, ces femmes que j'ai rencontrées à Stettin. Oui. Les viols. Oui, oui. J'arrête pas d'y penser. À cette béance dans la mémoire collective, je crois que j'aimerais m'y pencher de plus près. Attends, tu vas encore changer de sujet de thèse ? Mais non, enfin... Non, mais je sais pas, j'ai plutôt l'impression que je me rapproche peu à peu du cœur du sujet. De toute façon, je vois pas trop comment je pourrais continuer à chercher de mon jeu. Repartir là-bas... Je suis clouée au sol pendant pas mal de temps. Assignée à résidence. Tu sais, t'es pas obligée de tout faire toute seule, Claire. Ah non, Marc, s'il te plaît. Quoi ? Il n'est pas de toi. Et c'est sûr ? Fin mars. Pas de doute possible, ça peut être plein de monde. Mais pas toi. Et si je te disais que je m'en fous, que je veux bien être le père de cet enfant ? Je te répondrais que c'est très gentil, mais qu'il y a mieux que de commencer sa vie avec un gros mensonge. Je t'aime, Marc. Mais pas comme ça. Bon, on en était où ? Tu me disais que tu avais classé les documents. Ah oui. Bon, bah tu connais ma méthode. Chronologique. Oui. Sauf quand il y a des informations qui nécessitent un traitement thématique. Ah. Et les photos ? Tiens, je les ai datées comme j'ai pu en fonction du décor. Donc, Zenai, puis... Wildflecken et la Poméranie. Putain. Sur cette photo, c'est lui, c'est sûr. Quoi ? Qui ? Où ? Sur la photo que m'avait montrée Lotte, à gauche de Bertrand et de Philippe. C'est Barigo. Ton premier témoin, celui qui est mort en mai ? Avec 50 ans et 30 kilos de moins, j'en suis certaine. Donc Barigo a fréquenté Bertrand ? Et Philippe. Et il est mort avant de pouvoir me parler. Et t'as failli te faire jeter d'un train en marche ? Et... J'ai un assistant que je ne connais pas. Claire, Claire, Claire. Il faut que tu arrêtes cette thèse et que tu parles à la police. Non, je ne vous félicite pas, commandant. On est passé à deux doigts de la catastrophe. Toutes mes excuses, monsieur le sénateur. Nous avons repassé les événements en vue avec mes hommes. La préparation était impeccable. C'est juste que les Polonais se sont un peu emportés. Des restes de la méthode Radkiewicz. On ne perd pas si vite les bonnes vieilles habitudes. Mais vous imaginez ce qui aurait pu se passer s'il était arrivé quelque chose à l'historienne ? Je veux dire, quelque chose de grave. Personne n'aurait pu remonter jusqu'à vous, ne vous inquiétez pas. J'ai l'expérience d'affaires bien plus compliquées que cela. Oui, enfin, si son chevalier servant n'avait pas été interrompu par l'hémorragie de Pralin et avait attrapé les Polonais, on ne répondait plus de rien. Non, mais c'est assez ironique, vous en conviendrez, que je sois sorti du pétrin à cause d'un problème de bonne femme. On a des informations sur l'identité du sauveur ? Aucune pour le moment. Mais il est puissant et entraîné. Ça ne ressemble pas à du travail d'amateur. Mais quel service peut avoir intérêt à protéger cette fille ? Vous savez, de bouche, la fille doit être le cadet de leurs soucis. C'est à moi qu'ils en veulent. Les Israéliens ? Ou d'autres ? On n'a eu aucun problème de ce genre avec Barigo et Cartier, pourtant. Barigo et Cartier. Je les avais oubliés, ceux-là. Cette petite historienne ne sait pas le nombre de cadavres qu'elle sème sur son chemin. Oui, et quel risque de continuer à semer si elle s'entête à me les briser comme ça. Commandant Pia. Oui. L'affaire est de toute évidence passée aux mains d'adversaires sérieux. qui auront été alertés par les agitations médiatiques de Pralin et de cette crétine de journaliste. Il s'agit de relever le niveau de sécurité et de nous donner des résultats plus rapides. Je vous conseille de vous calmer, Debouche. Pour l'instant, personne n'a rien à reprocher à mes services. Et les documents qu'elle a rapportés de Pologne, vous pouvez me dire quand vous comptez mettre la main dessus ? On ne peut rien faire tant qu'elle est à Necker. On attend sa sortie. Dieu sait à qui elle a pu confier le contenu de ses prises et les bombes à retardement qu'elles contiennent. Non. Pralin est une louve solitaire. C'est un grand avantage. Solitaire peut-être, mais pas seul. Il y a ceux de la cour tout de même. Il a des amis jusqu'au Conseil d'État. Et puis son collègue, là, qui est sûrement le père du chiard. Ils passent leur vie ensemble. Marc Collignon est sous notre surveillance. Il n'a pour le moment aucune piste sérieuse en ce qui concerne Philippe. Je suis à deux doigts de vous retirer l'affaire, commandant Pia, je ne vous le cache pas. Et pour la confier à qui, sénateur ? La DGSE ? Je vous conseille de ne pas trop élargir le cercle de vos porteurs de secrets. Très bien. Vous pouvez disposer. Et tâchez d'obtenir des résultats de façon un peu plus discrète à l'avenir. Messieurs. On a des choses sur Pierre. Un joli petit dossier, oui. Mais il me semble plus raisonnable de le garder de notre côté. Cette histoire m'épuise. J'avais pas besoin de ça à mon âge. Vous n'avez jamais pensé à tout révéler vous-même ? Un bel article dans un hebdomadaire, joli mea culpa, appuyé par des décennies d'engagement au service des Français, et vous voilà tranquille. D'autres s'en sont très bien sortis, et ont même été à deux doigts d'obtenir des mandats électoraux. Vous aviez quel âge ? 19 ans ? Vous oubliez que j'ai fait toute ma carrière dans un parti directement issu de la Résistance ? Que je me suis construit une légende entre Vercors et Stalag ? Oh, ça, vous savez... Vous êtes loin d'être le premier. Philippe de Marsanges est mort. Et nous n'avons aucun intérêt à ce qu'on l'exhume, mon ami. Ni moi, ni vous. Il faut juste nous débarrasser au plus vite de son vieil ami Bertrand. À suivre. La division d'Emmanuel Suarez. Troisième épisode. Avec Claire Dumas, Bernadette Le Sachet, François de Brouwer, Mathurin Voltz, Alain Rimou, Elsbieta Koschlatsch, Magdalena Malina, Maud Forget, Laurent Houry et les voix de Yann Séverine et Victor Ponomarev. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Jefferson Lambeil. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Bastien Varigo. Assistant à la réalisation, Pablo Valero, réalisation, Sophie Haute-Picon.